Le 28 mars, les ressortissants coréens en Europe ont lancé un appel invitant à édifier en vertu de l'esprit de Bougie une société nouvelle favorable à la réunification pacifique, d'après le journal internet sud-coréen Jeju Sibo. Soulignant que la réconciliation et l'unité sont l'unique voie pour le salut de la nation coréenne, l'appel demande avant tout la suppression de la loi sur la sécurité, la réconciliation et le va-et-vient intercoréen, la liquidation des dangers de guerre et l'établissement de la ligne en matière de réunification indépendante.